ignorer mes mots pour sauver notre histoire. Si seulement je savais qu'à la lumière du jour je verrais ton regard, qu'il me transpercerait. Sur Fréquence Plus, l'info plus région. Une rédaction mobilisée 7 jours sur 7. Toute l'info locale et régionale est sur Fréquence Plus. Toujours plus proche de vous. Fréquence Plus. Together, nothing. Fréquence Plus vous accompagne pendant les vacances. Chaque semaine, démarrez la journée avec vos artistes préférés pour un réveil survitaminé. À tout moment, montez le son et ambiancez-vous. C'est la grande playlist de l'été Fréquence Plus. 7 jours sur 7, notre rédaction est mobilisée pour vous. Retrouvez toute l'actu locale et nationale dans nos flashs, Info Plus Région et votre météo estivale. Fréquence Plus, toujours plus proche de vous. Fréquence Plus vous donne l'heure. Soyez les bienvenus sur Fréquence Plus, il est midi. Avant de passer à table, une question se pose. Qu'est-ce qu'on mange à midi en entrée? On pourrait opter pour un menu fraîcheur avec une salsa de melon. Petite salade composée avec un melon, concombre, oignon rouge, citron vert, piment, jalapeno et quelques brins de coriandre fraîche. Bon appétit pour votre menu à plein tube. Vous pouvez compter sur Lisa Dan et ses histoires de cœur. Et Ria Binaeza, Fuck My Body dans la grande playlist de l'été. Et tout de suite, place à l'Info Plus Région avec la rédac Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fréquence Plus. Info Plus Région. Bonjour, bonjour à tous. Une nouvelle espèce de moustique a envahi les communes du Jura, dans Paris, Abergement-la-Ronce. Le quotidien de ses habitants est gâché par ce moustique très virulent. Pensant avoir affaire au fameux moustique tigre, les communes ont fait appel à l'entente interdépartementale de démoustication de Rhône-Alpes, l'EID, spécialiste en la matière. Mais une fois sur place, les experts découvrent qu'ils ont en fait affaire à une espèce qu'on peut trouver en Camargue. Présentation avec Rémi Foussadier, président de l'EID. C'est une espèce qu'on trouve en Camargue, c'est aussi une espèce qu'on trouve au niveau des bassins potassiques en Alsace. Son nom scientifique, c'est Aedes caspius. Donc, c'est un moustique de milieu naturel. De milieu naturel qui ont une salinité ou une forte minéralisation. Et c'est vrai que, traditionnellement, on ne trouve pas cette espèce dans le Jura. C'est une espèce qui crée de la nuisance. Donc, en fait, vous pouvez vous démanger. Hein, mais il n'y a pas, pour cette espèce-là, il n'y a pas de risque de transmission de maladie. Donc si derrière dangereuse, vous entendiez risque de transmission de maladie, non, pour cette espèce, il n'y a pas de risque de transmission de maladie. Des captures de moustiques sont en cours pour savoir où il se reproduit et comment il est arrivé jusque dans le Jura. Des étapes cruciales pour pouvoir limiter la reproduction de l'espèce. C'est encore un coup dur pour notre portefeuille. En ces vacances d'été, les prix du carburant s'envolent dans nos départements, comme dans le reste du pays. Plus 11 centimes le litre de SP95E10, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause de la hausse du cours de baril de pétrole qui devrait rester à des niveaux élevés dans les prochaines semaines. Dans l'actualité également, 5 policiers du Raid de Marseille placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Mohamed lors des émeutes survenues dans la cité phocéenne début juillet dernier. D'après l'autopsie, la victime de 27 ans serait décédée à la suite d'un tir de flashball. D'autres policiers du Raid seront interrogés aujourd'hui par l'IGPN, la police des polices. Civitas, dans le collimateur du gouvernement, Gérald Darmanin a annoncé avoir demander la dissolution de cette organisation. organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques traditionnalistes intégristes. Décision du ministre de l'Intérieur après des propos jugés antisémites d'un essayiste lors des universités d'été du groupuscule. Gérald Darmanin qui a aussi demandé la dissolution d'un groupe associatif. On se souvient des soulèvements de la terre en juin dernier. Le ministre de l'Intérieur accuse ce collectif écologiste d'être à l'origine d'actions violentes lors des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. C'est d'ailleurs aujourd'hui que le Conseil d'État examine le référé déposé par les soulèvements de la terre contre leur dissolution. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. 16,95 degrés en moyenne à travers le globe selon les données de l'agence européenne Copernicus publiées ce matin, soit une hausse de 0,33 degrés par rapport au record de juillet 2019. Et puis des fêtes interdites pour les Bleus, l'équipe de France féminine affronte cet après-midi le Maroc en huitième de finale du mondial de football. En cas de victoire, les filles d'Hervé Renard affronteraient l'Australie en quart, l'un des pays hauts de la compétition. France-Maroc, coup d'envoi à 13h. Bonne journée sur Fréquence Plus. C'était l'Info Plus Région avec la rédaction Fréquence Plus. Tous les jours, vos infos de proximité sont sur Fréquence Plus. Vous êtes témoin d'un événement ? Alertez-nous. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur fréquenceplus.info. Fréquenceplus.info. Tout l'été, vivez les vacances à plein tube avec Fréquence Plus. Tous les tubes de vos vacances sont dans la grande playlist de l'été Fréquence Plus. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling, so keep the party rocking all night. Baby, oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? So hot, loving it, non-stop. Another round, we double down, bittersweet, bittersweet. One more shot, let me see what you got. I want it right now, yeah. Baby, I want you, so won't you come rock my body, body, body? Won't you come rock my body, baby? Just breathe it in. Another rush is kicking in. Under the lights, I feel you near. I want you close, I want you here. It's in the air, it's in the air. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling, so keep that party rocking all night. Baby, oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? D'enfant, je connais la chanson des abonnés absents. Je

jusqu'à saigner. Clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier les ombres et ton marché. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et pas de haine, et pas de mal, ni Dieu ni chair qu'on ne combat. Mais que faut-il, quelle puissance, quelle âme brise l'indifférence. On sait pas juste, c'est mal écrit, quand il n'a joué plus qu'à mes bruits. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais je saigne, et pas toi, et pas toi, et pas toi, et pas toi. Votre météo et l'Info Plus Région. Une rédaction mobilisée 7 jours sur 7. Toute l'info locale et régionale est sur Fréquence Plus. Toujours plus proche de vous. Fréquence Plus. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Say, ooh, I- Carreras, Flowers, dans la grande playlist de l'été Fréquence Plus. Et après cette livraison de fleurs, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Une enceinte connectée? Vous n'en avez pas et vous en rêvez? Eh bien, il suffit d'écouter Fréquence Plus tout l'été pour tenter de gagner votre Google Nest Audio Galet, l'enceinte connectée intelligente au son unique avec assistant vocal double haut-parleur d'une valeur de 80 euros. Et pour tenter de la gagner, il faut jouer avec nous maintenant en envoyant par SMS Fréquence Plus au 71415. Fréquence Plus par SMS au 71415 pour participer à notre grand tirage au sort du lundi 28 août à 7h15 pour vous permettre de gagner votre enceinte connectée. Bonne chance à vous! Dans un instant, Imagine Dragons s'invite dans notre grande playlist de l'été avec Waves. Et tout de suite, votre météo et l'info plus région de ce mardi 8 août avec la rédac Fréquence Plus. Il est midi et demi sur Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fréquence Plus. Info plus région. Bonjour, bonjour à tous. Le bilan du tourisme dans le Jura, plus 4% pour les réservations de nuitées de touristes français entre le 15 et fin juillet, comparé à l'année dernière, plus 11% dans le Haut-Jura. Des informations recueillies par nos confrères de la Voix du Jura. En revanche, les touristes étrangers ont été moins nombreux. Une baisse de 7% des nuitées a été constatée. Cette année, le département a retrouvé un niveau comparable à 2022 et 2019. Vous l'avez peut-être remarqué à la pompe, les prix du carburant explosent. Plus 11 centimes le litre de SP95 E10, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause, la hausse du cours du baril de pétrole qui devrait rester à des niveaux élevés dans les prochaines semaines. Les services d'État exceptionnellement fermés pour le pont du Cazout en Côte d'Or sont notamment concernés la préfecture, les sous-préfectures de Beaune et Montbard, la DDT ou encore le rectorat de l'Académie de Dijon. Pas la peine d'essayer de vous y rendre le 14 août prochain. Dans le reste de l'actualité, 5 policiers du raid de Marseille placés en garde à vue, ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Mohamed lors des émeutes survenues dans la cité phocéenne en début juillet dernier. D'après l'autopsie, la victime de 27 ans serait décédée à la suite d'un tir de flashball. D'autres policiers du raid seront interrogés aujourd'hui par les GPN, la police des polices. Civitas, dans le collimateur du gouvernement, Gérald Darmanin a annoncé voire demander la dissolution de cette organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques traditionnalistes intégristes. Le ministre de l'Intérieur a aussi décidé de saisir le procureur de la République après des propos jugés antisémites d'un essayiste lors des universités d'été du Groupuscule. Les soulèvements de la Terre vont-ils être dissous? Pour de bon, Gérald Darmanin avait demandé en juin dernier la dissolution du collectif écologiste accusé de violence lors de manifestations contre les mégabassines. Aujourd'hui, le Conseil d'État examine le référé des soulèvements de la Terre qui conteste la décision du ministre de l'Intérieur. Coup de chaud sur la planète, la moyenne de la température mondiale relevée au mois de juillet a battu tous les records, 16,95 degrés, tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon les données de l'agence européenne Copernicus. Et puis les choses sérieuses commencent pour les Bleus au mondial féminin de foot en Australie. L'équipe de France affronte le Maroc cet après-midi en huitième de finale, après un premier tour maîtrisé. Le sélectionneur tricolore Hervé Renard s'attend à un match beaucoup plus difficile, du même calibre que celui face au Brésil en phase de poule. Écoutez. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer avec une seule idée en tête, de se qualifier pour le prochain tour. C'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil. Voilà, un match de haut niveau où cette équipe marocaine est capable de se projeter très vite, un peu comme l'était cette équipe du Brésil, avec des joueuses techniques qui vont vite dans la profondeur. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques. On sait à quoi s'attendre, à nous de répondre de la même façon qu'on a répondu contre le Brésil. France-Maroc, coup d'envoi à Adélaïde à 13h, heure française. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus. C'était l'Info Plus Région avec la rédaction Fréquence Plus. Tous les jours, vos infos de proximité sont sur Fréquence Plus. Vous êtes témoin d'un événement? Alertez-nous. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur fréquenceplus.info. Fréquenceplus.info. Fréquence Plus. Fréquence Plus. Votre météo locale. Un ciel enfin plus gracieux en ce mardi 8 août en Côte d'Or, partagé entre nuages et belles éclaircies. Puis le ciel pourrait se voiler en soirée. Le mercure lui remonte progressivement en journée. Le thermomètre affichera 25 degrés maxi à Dijon et Auxonne, 25 degrés également à Genlis et Nuits-Saint-Georges et 26 degrés annoncés au thermomètre de Beaune. En ce mardi 8 août, nous fêtons les Dominiques. Bon anniversaire au tennisman Roger Federer qui fête ses 42 ans. Et coup d'œil sur le menu météo de demain mercredi, le soleil régnera en maître, accompagné par quelques cumulus. Le mercure sera encore en hausse, nous ramenant à des températures estivales. Jeudi, un franc soleil le matin qui pourra être voilé par des nuages élevés l'après-midi. Et vendredi, la journée s'annonce chaude et ensoleillée, on devrait dépasser les 30 degrés. Retrouvez votre météo locale tous les jours sur Fréquence Plus. Avec les bons plans, les buzz et l'Info Plus Région, vous êtes informé 7 jours sur 7. Fréquence Plus, c'est plus de 200 rendez-vous de proximité par semaine. Fréquence Plus, toujours plus proche de vous. I'd rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last.

Quand le verre rend plus clair votre univers, c'est Sodiver. Le spécialiste de la miroiterie sur Dijon, c'est Sodiver. Tous vos projets, toutes vos envies sont réalisables. Professionnels, particuliers, faites appel à nous pour votre activité habituelle et vos besoins en sur-mesure. Remplacement de vitres, menuiserie et volets, c'est Sodiver. Crédence de cuisine, porte de douche, garde-corps, verrière d'atelier, c'est Sodiver. Sodiver, 26 rue de Mayence à Dijon. Plus d'infos sur sodiver.fr. La miroiterie Sodiver à Dijon vous donne l'heure. Très bon début d'après-midi avec Fréquence Plus, il est 13h. Partageons avec plaisir la grande playlist de l'été sans blabla jusqu'à 16h. Et nous, on se retrouvera à 16h pour la pause gourmande du goûter. Cynthia, j'étais ravie de passer la matinée avec vous. Je vous retrouve donc à 16h. Et d'ici là, laissons dérouler le flot de la grande playlist de l'été avec Shakira et Bizarrap notamment. Et pour ouvrir le bal, Pink, Trustfall tout de suite. Bel après-midi et bonnes vacances avec Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fréquence Plus Dijon. Fréquence Plus. Picture a place where it all doesn't hurt, where everything's safe and it doesn't get worse. Oh my, we see through bloodshot. Sure, a place.

let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on a minute. Oh, babe, I think we should run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on a minute. Oh, babe, I think we should run away. I'm my own worst enemy. Blue skies only miles away. One last shot, hold on a minute. Oh, fréquence plus, ça plein tube. Fréquence plus. Laisse-toi tomber pour mieux renaître et être aimé. Tu cherches l'histoire à sauver sans plus chercher à t'excuser. Beneath the silver moon. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Calm down, calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown.